Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis Luc Desormeaux et, pour me rejoindre encore une fois, un grand voyageur, quelqu'un qui, dans les prochaines semaines, nous racontera son voyage qu'il a fait au Nouveau-Brunswick récemment, mon collègue et ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher, oui, je vais attendre la semaine prochaine parce que, comme c'était un voyage en famille pour les vacances, mais en famille non, c'est pas vrai, un voyage avec mon épouse pour les vacances, je veux que mon épouse soit avec moi pour vous en parler. Je pense que ça vaut la peine. Et ça s'est fait au volant d'une voiture, ma foi, plutôt agréable, la Audi S5. Mais il va falloir que vous attendiez la semaine prochaine. J'imagine que ça aurait pu être pire. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, j'aurais pu y aller en Leaf. Ouais, t'aurais chargé quelques fois en t'en allant. Ça aurait été plus long, mais... Ouais. C'est ça, exactement. Non, okay. C'est une blague, là. J'aurais pu y aller en n'importe quoi, mais non, j'ai effectivement été très chanceux. Super. Donc, Marc, cette semaine... Et la semaine prochaine, on va avoir des émissions un peu écourtées. Au travail, il y a eu des changements de mon côté, donc j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci. Donc, on va avoir des émissions de 30 minutes cette semaine, une autre émission d'environ 30 minutes la semaine prochaine. Puis après ça, on va voir, on devrait être capable de revenir à notre formule régulière, là, mais je suis pas certain encore parce que personnellement, au travail, présentement, il y a des gros changements. Donc, on va le savoir dans les prochaines semaines. Mais... Lâche ta job, puis il faut juste garder le podcast. Bon, OK, on fait ça bénévolement, mais c'est pas grave quand on est convaincu. Ouais, faudrait que je mange très peu, que je t'offre une boîte de Kraft Dinner pendant quelques semaines pour être capable d'arriver. Non, on va essayer de garder le travail à la place parce que ouais, c'est pas avec le podcast que je vais manger ou vivre. Donc, Marc, on va commencer avec des nouvelles cette semaine, puis on va finir avec nos essais de la semaine. Les essais, ça va être la Cadillac CTS-V que tu as essayé, et moi j'ai essayé le Mazda CX-9. Mais comme j'ai dit auparavant, on va commencer avec des nouvelles. Que se passe-t-il dans le super monde de l'automobile présentement? Ben, parmi les nouveautés, en fait, Ford est très, très actif avec sa Mustang. On le sait, ils ont assemblé leur 10 millionième unité il n'y a pas tellement longtemps. Mm-hmm. Ils ont fait tout un plat avec ça. Et ils ont lancé, ben, aujourd'hui même, au moment où on enregistre, en fait, la Mustang Cobra Jet. Ouais. La nouvelle version. Écoute, c'est la voiture la Mustang la plus rapide jamais construite par Ford là-dessus. C'est complètement débile. On parle d'un quart de mille en 8 secondes. Mais c'est une voiture qui est faite juste pour ça. Là. C'est pas une voiture pour la route. Là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, la Cobra Jet, c'est une voiture de drague. Là. C'est faite pour la piste uniquement. Là. Puis en ligne droite. Ça. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est fait. C'est une voiture qui est vraiment faite strictement pour les pistes d'accélération. C'est ça. Écoute, c'est sûr, c'est un V8 5.2 litres suralimenté. C'est le même bloc qu'on va retrouver dans la Shelby GT500 de prochaine génération. Mais là, écoute, on parle d'un quart de mille en 8 secondes à une vitesse qui va dépasser 250 km/h. Ça doit coller dans le siège, mettons. C'est assez complètement fou, là, ça n'a aucun sens. Bon, évidemment, on a mis toutes sortes d'affaires. On a gardé l'essieu rigide, en fait, parce que l'essieu rigide est plus facile à utiliser pour les voitures de drag. Mm-hmm. Mais bon, on parle quand même d'une voiture qui vaut 130 000 $. Ouais, pour faire juste la ligne droite, c'est un peu dispendieux, mais il y a des gens qui ne font que ça, puis on parle de compétition, écoute, là. C'est pas... 68 exemplaires qui vont être fabriqués. C'est évidemment pour célébrer le 50e anniversaire de la Cobra Jet. La Cobra Jet, la première, a été fabriquée en 1968. Donc, pour faire honneur à l'année originale, on a donc décidé d'en faire 68 exemplaires. Ça a été lancé là, dans le cadre du Woodward Dream Cruise qui se tient actuellement au Michigan. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez unique en son genre. Ouais, c'est disons, très, très, très, très particulier, je te dirais. Bref, en tout cas, verra. Ça sera pas dans mon entrée. Non, c'est pas dans la mienne non plus. C'est bon. Toujours du côté de chez Ford, on a annoncé le fameux prix du Ford Ranger. Le problème, c'est qu'on l'a annoncé, mais aux États-Unis seulement. OK. Alors, oui, évidemment, on parle donc d'un véhicule de 25 395 $ plus les frais de transport, bien entendu. C'est l'équivalent d'un Toyota Tacoma, en fait, aux États-Unis. Donc, il y a fort à parier que ce soit à peu près la même chose chez nous, c'est-à-dire qu'on va se coller sur ce qui se fait ailleurs. C'est plus, cependant, que les versions de GM. Le Chevrolet Colorado, le GMC Canyon, c'est un peu moins cher du côté de GM que du côté de Ford. Malgré tout, bon, c'est sûr que c'est un camion qu'on attend avec beaucoup d'impatience, le Ranger. J'ai bien, bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, pour le moment, c'est un véhicule qu'on attend. En tout cas, que moi, j'ai bien, bien hâte de conduire. Ouais, ça fait un Tiens. bout de temps que les gens l'attendent parce que c'est un véhicule qui était très populaire parce que c'est moins gros qu'un F-150. C'était C'est ça. le petit pick-up compact là, que les gens aimaient. Il y avait même une version chez Mazda qui était le B2000, je me rappelle bien, puis ils ont disparu les deux à peu près en même temps. Et voilà, le Ranger est parti un peu plus tard, là, mais pas tant que ça, là, pas si tard que ça, là. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je m'attends à un prix peut-être de 27, 28 000 ici de départ, peut-être, quelque chose comme Ouais, ça. ça devrait frôler Avec le le taux de 30 000, change, en là. fait, Ouais. si on se base sur ce qui se passe aux États-Unis, puis si on compare avec la Tacoma et tout ça, là, donc on n'est pas dans on n'est pas dans ce monde-là vraiment. On n'est pas vraiment compétitif en termes de prix. On essaie d'y aller avec autre chose, je te OK, dirais. mais on verra ce que ça donnera côté vente quand ça va arriver. Exactement, mais moi, j'ai bien hâte de l'essayer. OK. Est-ce que tu as mis des sous de côté? Oui, mais normalement pas pour dépenser pour une voiture présentement. Pourquoi? C'est dommage parce qu'il y en a deux à vendre qui pourraient peut-être être intéressantes pour toi. OK. C'est les voitures de John Lennon et de Paul McCartney. Alors, une Morris Mini Cooper S de ville 1965 qui a appartenu à Paul McCartney, une Mercedes-Benz 300 TD 1979 à John Lennon, qui sont actuellement propriété du musée Sarasota Classic Car en Floride, vont être offertes aux enchères. Il n'y a pas de prix de réserve, donc il n'y a pas de prix de base. On ne sait pas exactement quel prix ils vont être. Sauf qu'évidemment, le fait qu'elles ont appartenu à des Beatles, ça risque de faire augmenter considérablement le prix. On pourrait penser, oui. C'est ça. Donc, on verra ce que ça va faire. Ce qui est particulier, cependant, c'est que c'est des voitures qui ont été vraiment préparées pour eux autres. Je pense à la Mini Cooper de Paul McCartney. Elle a été préparée par un carrossier londonien là, dont le travail était justement d'améliorer les Mini de l'époque. Donc, on a mis deux projecteurs additionnels en avant, on a un toit coulissant. Ils ont mis les feux arrière, les mêmes que ceux de l'Aston Martin. Il y a des lèvres-vitres électriques, évidemment, à l'époque, c'était pas très courant. Un volant en bois, des selleries de cuir. Bref, on a vraiment, vraiment joué la carte du luxe dans ce cas-ci. Donc, c'est assez particulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a eu quatre Mini qui ont été commandés. OK. Une seule à une compagnie spécifique qui s'appelle Harold Radford Coach Builders. Les trois autres ont été faites à un autre carrossier, un autre préparateur, et ça a été commandé par le gérant des Beatles pour les quatre Beatles, mais la seule qui est à vendre, c'est celle de Paul McCartney. Évidemment, c'est pas avec cette voiture-là que tu vas faire des excès de vitesse. 63 magnifiques chevaux qui entraînent la voiture. Ouh, 0 à 100 en 3 semaines. Exactement. 0 OK. à 100 tu mesures pas ça avec un chronomètre, mais avec un calendrier. C'est ça, c'est ça. Bon, on verra ce que ça va donner pour le moment, mais on ne sait pas le prix encore, comme je te dis, auquel on peut s'attendre pour cette voiture-là. De toute façon, c'est une voiture qui ne verra jamais la route. Ça va être une voiture de collection quelque part dans un musée, sûrement, là. C'est dans une collection privée, quelque chose comme ça, Probablement, là. là. Ouais, c'est bon. Non, mais tu sais, c'est pas une mauvaise affaire en Non, non, soi, non, là. non. Faut garder ces choses-là quand même précieusement parce que c'est quand même des voitures rares, là, qui ont Ouais. appartenu à des gens extrêmement célèbres qui ont un peu changé la face de la musique. Donc, c'est une voiture quand même assez importante dans l'histoire. Fait que, ouais, Exactement, c'est mais bon. pour le moment, on n'est pas vraiment. C'est pas le genre de véhicule qu'on va voir. Ça prend de l'argent, ça prend du petit change que tu sais pas quoi faire avec, mettons. Ouais, c'est ça. Je cherchais une façon de poli dire les choses, Une là. grosse poche de petit change, là. Le Oh, c'est ça. genre de petit change qu'un milliardaire se promène avec dans ses poches, là. C'est ça. Moi, je suis pas rendu là encore, vraiment pas là. Fait que, Non, non. Des fois, je regarde le petit change dans mes poches, puis je me dis, ah non, Tim Hortons, pas un matin. Fait que cet auto-là sera pas pour moi. Bon, je suis pas quand même là, je vais me donner une petite chance, Il y a des mais matins comme ça. Il y a des matins où il ne reste pas de change dans les poches. À non, part de t'es ça, dur. t'as quoi pour nous? Tesla, mon ami, parce qu'il Ouais. faut bien parler de Tesla. Tu vas-tu me parler de Tesla qui a actionné le gouvernement de l'Ontario? Ah, écoute, Tesla est un modèle Pour quelqu'un qui fait des nouvelles, là, tu pourrais comme faire un canal spécialisé Tesla, puis d'après moi, t'en aurais pas assez. Tesla TD, TT, Ouais, Tesla TD. écoute, ça n'a aucun sens. C'est complètement fou. Ça va de Tesla qui poursuit effectivement le gouvernement ontarien. Ouais, pour avoir cancellé le rabais Ouais. sur les voitures électriques. Mais écoute, pour une rare fois, je trouve qu'ils ont raison. Ouais, c'est un peu discriminatoire, mais d'un autre côté, Parce que. le modèle d'affaires de Tesla est différent de tout le reste du monde, donc. Oui, mais c'est parce que c'est basé. En fait, c'est parce que ce qu'ils ont dit, c'est on va donner le montant pour les gens qui ont commandé leur voiture électrique chez un dealer jusqu'au 10 septembre. Ouais, c'est ça. OK? Le problème, c'est que Tesla n'a pas de dealer. Non, c'est ça. Ils ont des magasins, mais ils n'ont pas de concessionnaire tel quel. Donc, les gens commandant directement, ils sont pas Illégitime, éligibles à selon l'aide la règle. financière. Ouais. Et c'est là-dessus qu'ils veulent lutter, si tu veux. Bon, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est combien de voitures réellement ça va affecter, parce que on s'entend pour dire que Tesla, dans le meilleur des mondes, dans un mois, pourrait fournir combien de voitures en Ontario? 2 ans? 300 peut-être? Ouais, peut-être. Parce qu'il faut se rappeler que les voitures qui sont en haut de 75 000 $ ne sont pas admissibles à l'aide financière de toute façon. Ouais. Donc, tu sais, c'est pour 200-300 voitures. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point ça va affecter effectivement Tesla, mais je trouve qu'effectivement, c'est discriminatoire pour eux. Ça, c'est la première partie de Tesla. On verra encore une fois ce que les tribunaux vont dire. Dans la série des nouvelles de Tesla qui continue, bien sûr, il y a toute l'histoire où Elon Musk est en train de se faire poursuivre par les bourses et par certains investisseurs, si tu veux. J'aime pas le mot là, parce que c'est un peu particulier. Suite à ses tweets la semaine passée, à l'effet qu'il voulait retirer sa compagnie de la bourse. OK. Lui disait, je veux racheter chacune des actions pour 420 $. Or, actuellement, les actions de Tesla, au moment où il a annoncé ça, les actions se transigeaient aux alentours de 350 $. OK. Donc, évidemment, le fait que lui veuille les racheter à 420, ça a fait monter les prix partout. OK. Et donc, ça s'approche du délit d'initié, si tu veux, là, tu sais, parce que c'est bon, c'est pas tout à fait légal comme façon de faire. Mais il y a des gens qui achètent des options sur les prix à la baisse. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une espèce de gageure à la bourse en disant, nous, on pense que cette compagnie-là va baisser jusqu'à tel niveau, donc ils achètent des options à ce prix-là. Or, le fait que Tesla ait fait monter artificiellement son action, eux autres ont perdu des millions de dollars, presque des milliards, en fait. Alors là, ils veulent poursuivre Elon Musk en vertu des lois américaines. Donc, ça va pas très bien de ce point de vue-là. Elon Musk a fini par annoncer que c'était une compagnie saoudienne, un fonds saoudien qui, semble-t-il, y fournirait l'argent pour racheter. Alors là, évidemment, ça a créé tout un émoi aux États-Unis parce qu'ils ne veulent pas qu'une compagnie américaine passe aux mains des Saoudiens. Alors, ça continue de bien aller pour Tesla. Et depuis la semaine passée, il y a des propriétaires de Model 3 aux États-Unis qui ont commencé à vouloir poursuivre la compagnie parce que leur bumper tombe. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que suite à certaines pluies plutôt massives, il y aurait, semble-t-il, des trous dans les pare-chocs arrière et ça ferait dissoudre une partie de l'adhésif et le pare-choc arrière tombe, littéralement. Alors, il y en a un premier qui a posté ça sur Twitter et ça a fait boule de neige. Et là, je pense qu'ils sont rendus à pas loin d'une dizaine qui ont effectivement perdu leur pare-choc suite à des pluies un peu plus abondantes que d'habitude. Ah, les pluies acides qui font fondre les adhésifs. Mais imagine, là on est rendu vraiment, là, c'est comme ça n'a même plus de bon sens. Ouais. Alors, pour sauver tout ça et pour sauver son image, Tesla a annoncé que dans la prochaine version du système d'exploitation de ses voitures, qui va arriver d'ici à peu près un mois, ben, ils vont inclure des jeux Atari. OK. Et ça, c'est supposé recoller par choc, ça, ou... Je sais pas, j'ai l'impression que, tu sais, Tesla a toujours répondu aux critiques en amenant des nouveautés, puis des gadgets, puis des affaires de fou. Mais là, la dernière étape, c'est on va mettre des jeux Atari comme Missile Command, puis Pole Position Non. dans OK. les voitures. Non, ça prend Pitfall, puis ça prend Combat, puis ça prend ce genre de jeu-là, là. Ça prend E.T. aussi, le pire jeu de l'univers, là. Oui, Ça prend non. absolument E.T. Non, non, non, non, Superman était pas pire aussi, pas pire Ouais, mauvais. ouais, ouais, ouais, ouais. Mais T'sais, E.T., c'était quelque chose, là. Ouais, mais Superman, tu volais puis tu passais au travers des immeubles. Ouais. Il y a eu son lot de jeux mauvais. La version de Pac-Man sur Atari 2600 était horrible. Mais c'est Ouais. ça. Mais, tu sais, Bref. OK, intéressant. J'espère qu'ils vont donner la manette originale avec le seul bouton rouge, là, qu'il y avait, tu sais, juste un bouton, là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que, écoute, au moins, quand tu pourras jouer à un jeu Atari, tu ne te souviendras pas que ton père choc est tombé. En tout cas, c'est. Ils Je mettent sais un pas. baume sur la plaie, peut-être. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça très drôle. Bref, tu l'as dit, Tesla est un monde de trouvailles absolument incroyables. Et voilà, ils en font encore la preuve une fois de plus. Ah, c'est bon. Donc, est-ce que c'est tout pour les nouvelles? Ouais, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Ça devrait être pas Bon, pire. c'est bon. Donc, on va prendre une petite pause et puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, on parlera pas de voiture Tesla cette semaine, mais tu vas nous parler d'une voiture, ma foi, très intéressante. Une des Cadillacs les plus puissantes et les plus sportives, la CTS-V. Oh, ben, je pense que c'est pas mal la plus puissante et la plus sportive. Ouais. C'est pas une des, c'est vraiment la. C'est une bête. Écoute, ça n'a aucun sens. Cette machine-là est une machine de guerre, littéralement. J'ai pas trouvé d'autres expressions qui pouvaient mieux déterminer ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Ouais, parle-moi un Le peu de la moteur. CTSV parce que moi j'ai essayé l'ATSV, puis déjà ça c'était un monstre là, qui est la version plus petite de la ATS, mais la CTS ça doit être encore plus puissant et encore plus malade, j'imagine. Oui, écoute, c'est 640 chevaux, hein? Mais 640 chevaux, 630 livres-pieds de couple. c'est comme 100 de plus que la ATSV. Ouais, avec un V8 6,2 litres, compresseur, refroidisseur. En fait, c'est le même moteur que la Corvette Z06. OK. OK? Propulsion, ça c'est particulier parce qu'évidemment, ça demande un peu de doigté au moment de la conduite. Boîte automatique 8 rapports, qui est absolument spectaculaire et super rapide. C'est vraiment, vraiment fou. 0-100, 3,8 secondes, ce qui est un peu lent, mais il faut dire que la voiture, elle, est très, très lourde par rapport à. Ben, c'est très, très lourde. En fait, c'est que on n'a pas voulu négliger le confort et l'aspect très Cadillac de la Moi, voiture. c'est ça, on n'a pas le choix, Bon. là. Non. T'as quand même une. C'est la même plateforme. Tu parlais de la TS, là. Elle est bâtie sur la même plateforme. OK. C'est la plateforme Alpha qu'on appelle. Donc, c'est exactement la même. C'est des amortisseurs magnétiques. C'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Ça tient la route. Ça a une tenue de route qui est littéralement, là, je te dirais, comparable, sinon supérieure à celle d'une Allemande. OK. Et pourtant, on sait que les Allemandes, les M5, de cette catégorie-là, sont absolument spectaculaires. Mais elle est vraiment incroyable. Le seul défaut réel de cette voiture-là, c'est justement que c'est une propulsion. Puis elle est ce qu'on appelle un peu tail happy, là. Ouais. Donc, elle a la partie arrière qui parfois donne l'impression d'être un peu plus légère que le reste. Donc, ça exige un peu plus je dirais, d'intervention de la part du Ouais, conducteur. les fesses Et ont c'est tendance à y patiner un peu quand tu veux décoller vite, là. exactement. Ouais. Et quand tu es en virage, on sent que vraiment, là, la puissance est tellement forte à l'arrière, tu as l'impression que le derrière veut te passer en avant, là. OK. C'est vraiment très particulier. Évidemment, comme la plupart de ces voitures-là, tu as trois modes de conduite, là, un mode plus standard avec là où ça devient très confortable, presque limite Cadillac, un peu pépère, on s'entend. On parle quand même de 640 chevaux, là. T'sais, Pépin se c'est pas. rend vite au dépanneur. Oh, c'est ça. Pépère, il se rend vite avec sa marchette, m'en dire, c'est pas trop long, mais c'est comme je te dis, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins radical. Le problème à ce moment-là, cependant, c'est que la transmission est beaucoup plus lente en réaction et on le sent. Oui, c'est mieux pour la consommation, oui, c'est mieux pour la douceur de roulement, oui, c'est mieux pour tout, mais c'est vraiment, c'est beaucoup plus smooth et beaucoup trop lent comme façon de changer de rapport. Alors ça, c'est un peu désagréable, désagréable. OK. Encore une fois, là, faut prendre mes qualificatifs avec une certaine dose je dirais, de légèreté parce que c'est une voiture qui est spectaculaire. Au départ, là, elle est spectaculaire. Donc, oui, c'est moins agréable, mettons, mais pas désagréable. OK, on va dire ça comme ça. OK. Ça, c'est quand on la met en mode sport et pire encore en mode track, mais ça, je m'en suis pas beaucoup servi. Et là, vraiment, on sent qu'on a dans les mains une machine incroyable. La direction est précise, les suspensions sont rigides, la réactivité, la façon de réagir de l'accélérateur. L'accélérateur qui répond à vraiment là, avec une précision, t'as absolument aucune hésitation d'aucune façon. C'est presque épeurant, tellement que c'est instantané, là. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une machine. Moi, je suis sorti de cette voiture-là en me disant, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. OK. J'avais conduit une ancienne génération de cette ESV qui était impressionnante, mais jamais à cette hauteur-là, jamais à cette façon de faire-là. Et ce qui est particulier, c'est que tu n'as pas la rigidité. Tu sais, quand tu prends une M5 ou une M3, par exemple, ou même chez Mercedes, que tu vas dans les voitures de performance, les C63 AMG ou les E63 AMG, t'as vraiment, c'est vraiment un peu rough, là, t'sais. Les suspensions sont toujours beaucoup plus raides et tout. Alors que dans le cas de la CTS, c'est un daily driver, c'est une voiture que tu peux aisément utiliser à tous les jours, sans difficulté, mais qui devient extrêmement méchante quand c'est le temps de devenir méchante. Bon, je l'ai dit, 640 chevaux, 630 livres-pieds de couple, c'est quand même une consommation de carburant qui est absolument himalayenne. Écoute, moi, je n'ai pas réussi à faire mieux que 15,1 litres au 100. OK, ouais. OK? J'imagine qu'avec Évidemment. beaucoup d'autoroutes, à une vitesse d'autoroute, peut-être, t'es capable de faire un peu plus bas que ça, là. Ouais. Mais, tu sais, ça reste une bête, là. Ça reste un moteur de corvette, là. Oui, puis tu sais, là, c'est vraiment, en tout cas, moi, je te dis, j'ai été impressionné, favorablement impressionné de cette voiture-là. Je ne peux pas te dire que j'ai, je te l'ai dit, j'étais vraiment, vraiment surpris. C'est quand même 93 000 piastres quand tu prends la version berline, cependant. Ce qui n'est pas donné, on s'entend, mais qui, dans la gamme, si tu veux, dans la compétition, est tout à fait à la hauteur et même surpasse largement certaines de ses rivales, plus que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, c'est une auto qui est un summum de performance, aussi bien qu'un bel élément de confort. Même si j'haïs toujours le système multimédia, là, c'est le maudit système Cadillac avec les glissières au lieu des vrais boutons, là, Ouais. que je déteste profondément. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule, honnêtement, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, avec lequel je me suis bien amusé, peu importe les conditions dans lesquelles je le conduisais. Est-ce que tu conseillerais vraiment ça par-dessus une C63 AMG Oui. ou une BMW? Oui, vraiment là? OK. Par-dessus une C63, oui. Pas OK. par-dessus une E63. OK. C'est bon. La C63, j'ai toujours trouvé qu'elle était plus lourde que ce qu'on le souhaitait OK. et plus rough un peu, là. Tu sais, là, quand ça brasse une C63. J'avais eu l'occasion, moi, de l'essayer sur des petites routes de canyon en Californie, puis on l'avait brassé pas mal. Et honnêtement, j'avais trouvé ça un peu intense. OK. Et je t'avoue que la CTS-V, oui. Par contre, évidemment, dans le cas des BM, dans le cas des Audi de performance, là, on est à un autre niveau. Je pense qu'on est encore un petit peu en arrière du côté de Cadillac, mais on n'est quand même pas très loin. Bah, c'est bon, ça c'est progrès, c'est toujours du progrès, c'est bon. C'est ça. Toi, tu es allé dans un véhicule qui est plus de notre taille, je te dirais. Le Ça Mazda dépend ce que tu veux CX-9. dire dans la taille, mais oui, Mazda CX-9, véhicule dont j'ai pu faire l'essai brièvement l'année passée au mois d'octobre au Festival des essais de la JAC, parce que c'était un véhicule qui était en lice là, pour gagner véhicule de l'année. Il est également en lice cette année pour gagner véhicule de l'année, donc Mazda le remet là encore. Mais je l'avais conduit vraiment brièvement. Je l'avais pas détesté, mais j'avais pas eu la chance de le conduire assez longtemps pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Là, je l'ai conduit pendant une semaine et je dois avouer que à date, dans les VUS de cette taille-là, c'est devenu mon préféré. Pour plusieurs raisons. Un, son design est vraiment magnifique. C'est vraiment un beau véhicule, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'avais la version signature, je vais tout de suite le dire. C'est un véhicule qui est à 50 000 Wow, $, tu sais. ça c'est le Donc, plus cher c'est là. la grosse version, c'est la version à 50 000 $. Du bois, du Par vrai contre, bois, il est du bien. vrai cuir, oui, C'est par ça que je contre. t'ai pour dire. Il est super bien fini là. C'est vraiment joli, c'est du vrai bois, du vrai cuir. L'intérieur est vraiment magnifique, confortable. Puis, il y a un petit moteur turbo, 4 cylindres là-dedans, qui, ma foi, peut te faire penser parfois que tu es en train de conduire une petite sportive plus qu'un gros VUS. Franchement, là, il réagit bien. La transmission fait un travail incroyable de donner le bon rapport au bon moment. J'ai fait une accélération à un moment donné pour prendre une bretelle d'autoroute, puis je me suis dit, je trouvais que c'était presque impossible que je sois dans un véhicule si gros que ça, tellement ça a bien réagi. C'est un véhicule qui est nerveux malgré sa grosseur. Donc, quand on dit vroom vroom chez Mazda, c'est même vrai dans le CX-9. Puis, quand je suis allé le reporter le matin, j'ai rencontré des gens de Mazda qui étaient là puis attendaient avant de rentrer pour aller travailler le matin. Fait que moi, j'ai rapporté le véhicule, je leur ai donné les clés, j'ai dit, vous le savez que votre CX-9, il a pas le droit d'être le fun à conduire. Hein? Normalement, je devrais trouver ça plate puis je devrais me sentir comme si je conduisais une minivan, puis pourtant c'est pas le cas. Fait que ce véhicule-là a pas le droit d'être le fun comme il l'est, mais il l'est. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis ça a été vraiment une belle surprise, parce que normalement, on a ce genre de gros véhicule-là, puis normalement on pense que ça va consommer beaucoup, puis on pense que ça sera pas vraiment le fun à conduire, puis tu sais, mais on conduit pendant une semaine, puis après ça on passe à d'autres choses, mais j'ai vraiment eu du plaisir à conduire ce VUS-là. Ah oui, il est vraiment le fun à conduire, puis effectivement, t'as raison, quand tu parles du côté nerveux du véhicule, c'est vraiment, vraiment... surprenant pour un véhicule de cette taille-là, parce que tu t'attends pas à ça, là. Non. Mais il faut dire que le moteur du véhicule, là, c'est le 4 cylindres de 2,5 litres turbo, c'est 227 chevaux, mais c'est 310 livres-pieds de couple. Exact. C'est là qu'on le ressent aussi. C'est en accélération qu'on le ressent. Parce que sur l'autoroute, on roule, puis tu sais, ça va bien, puis on sent pas que le moteur s'essouffle, tu sais, ça va super bien. Mais en accélération, à un moment donné, c'est le même moteur que dans Mazda 6. Hein. La Mazda 6 avec le 4 cylindres turbo, c'est le même moteur. Puis j'avais l'impression que j'étais dans une Mazda 6 tellement que le véhicule était vraiment dynamique. J'ai resté surpris. C'est comme, je m'en allais puis je disais, oui, voyons, ça a comme pas de bon sens. Là. Je traîne un gros véhicule puis j'ai du fun. Mais bon, fait que vraiment, là, si vous êtes sur le marché pour un véhicule comme ça, allez essayer le CX-9, puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Là, c'est vraiment quelque chose de dynamique, de beau, de confortable. Il y a vraiment tout pour lui, ce véhicule-là. Système de divertissement, moi, j'en ai parlé avant, j'en reparlerai pas encore aujourd'hui. Là. J'ai eu petits problèmes là, de toujours aussi connexion. Poche. Ben non, c'est pas poche. Un coup, c'est connecté, tout se fait bien, mais c'est la connexion du cellulaire qui est problématique à chaque fois. C'est quand il est connecté, mais il est pas connecté. Fait que là, t'as une erreur comme quoi, ah non, téléphone pas trouvé. Puis là, tu descends dans la liste, puis non, il est connecté, mon téléphone, tu recliques dessus, puis là, ah, t'es correct. Mais je trouve ça un peu ça, puis le fait qu'il est tactile à l'arrêt, mais pas tactile quand tu roules. Tu sais, il y a des passagers dans les voitures. Puis je le sais, tous les constructeurs font ça. Tous les constructeurs coupent les fonctions quand on roule, mais c'est parce que... Attention, il y en a qui demandent si t'es passager, là. Ouais, mais c'est vraiment rare, par exemple. Ben, non, Chrysler le faisait. Ouais. Ben, Chrysler le fait toujours. Même des applications comme Waze se désactivent quand tu roules, mais te demande si tu es un passager, puis à ce moment-là, tu peux l'utiliser quand même. Là. Ouais, c'est ça, mais dans la plupart que j'ai eu dernièrement, t'as pas le choix. Fait que même si ton passager. À un moment donné, j'étais à Québec avec la Kia Optima, puis j'ai dit à ma femme, rentre la destination dans le GPS parce que je sais pas c'est où, puis tout ça. Puis il a fallu qu'on s'arrête sur le bord parce que même si ma conjointe qui était passagère voulait rentrer les données dans le GPS, ça me disait d'utiliser la commande vocale à la place. Et ça, c'est un défi. Oui, oui. Les commandes vocales, ouais. tu vas finir en Floride si tu... Non, ça fait un jour et demi qu'on conduit. On arrive-tu à Québec bientôt? Ça, c'est vraiment continue tout droit, puis rendu mardi matin, tourne à droite. Là. C'est à peu près ça. C'est vrai comme l'accélération avec la Mini à Paul McCartney. Là. Mais bon, en tout cas, pour le reste, le CX-9, oui, le système de divertissement, c'est pas problématique, là, je veux dire, c'est un irritant, mais pour le reste, un coup que tout est connecté, ça fonctionne super bien. Là. Il se connecte quand même rapidement quand il se connecte, puis le reste va bien, je veux dire, j'ai eu aucun problème. Mais le véhicule en vaut vraiment la peine. On a un grand coffre, beaucoup d'espace. Mon fils s'est assis en arrière, puis il dit, mon Dieu, papa, il dit, le bain est-tu collé en avant parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'espace pour mes jambes? Puis j'ai dit, non, la personne en avant a aussi beaucoup d'espace pour les jambes. Le véhicule est juste très, très spacieux, tu sais. Mais c'est vraiment un beau véhicule. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ce véhicule pilule-là. J'ai pas le prix de base, par exemple. Je l'ai ici à quelque part, là. 36 400, c'est la version de base. La version de base, bon, c'est ça, tu sais. Fait que c'est quand même pas si cher que ça quand on le prend non, dans sa version de base, là. Puis il faut quand même rappeler que bon, il y a l'espace en arrière, mais il y a de l'espace de chargement aussi. C'est un véhicule qui est bien fait, c'est un véhicule qui est monté sur une plateforme solide, on le sait, on le sent. Tu sais, là, il y a beaucoup de qualité au-delà de juste la nervosité du moteur, surtout dont on a parlé beaucoup, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment tout l'ensemble. Tu sais, quand on parle du Skyactiv, là, c'est pas uniquement un moteur, c'est vraiment la totalité, la façon dont la voiture est assemblée. Puis dans ce cas-ci, on a très, très bien réussi, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est le même moteur dans toutes les versions. Fait que même si vous prenez la version de base, vous allez quand même avoir ce petit moteur de voiture sport là. Puis vous allez avoir du plaisir tous les jours en allant travailler. Puis même si vous avez des gens en arrière, là, puis transporter du monde, c'est le fun pareil. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est à date, là, dans cette taille-là, c'est devenu rapidement mon préféré. Donc, c'est ça. Donc, Marc, on va terminer là-dessus pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela, mon cher? Ben, sur mon blog, marcbouchard.ca, vous pouvez aussi passer par ma page Facebook, ce qui est probablement la façon la plus simple de le faire. J'ai aussi mon compte Twitter, Marc Souligné Bouchard, ou mon compte Instagram, Bouchard Souligné Marc. Et bien sûr, info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel à laquelle toi et moi, on a accès en permanence, et sur laquelle, à mon avis, on ne reçoit pas assez de courriels et de questions. Alors, on vous invite à nous les envoyer. On leur répond le plus rapidement possible. Et on a eu une demande récemment, je tiens à le rappeler, on n'a pas oublié, on va finir par faire notre spécial sur les Easter eggs, là, les espèces d'œufs de Pâques cachés un peu partout dans les voitures. On va en reparler plus tard, c'est un de nos auditeurs qui nous a demandé de suggérer ça, et je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, on va suivre là-dessus dans les prochaines semaines, là, quand les choses vont se replacer un petit peu de mon côté, ça va être plus facile de planifier des émissions un peu d'avance. Donc pour moi, si vous voulez me retrouver sur Twitter, c'est Ascalazormo, il y a aussi le compte de Ça Roule Radio, qui est Ça Roule Radio sur Twitter. Sur Facebook, il y a le compte Ça Roule Radio, vous pouvez nous écrire là si vous voulez aussi, on répond normalement assez rapidement. Et puis, il y a moi, Luc Desormeaux, aussi sur Facebook, si vous voulez m'ajouter comme ami. Normalement, je suis quand même assez plus gentil que j'étais. Avant, je refusais, pas systématiquement, là, mais plus souvent. Donc, vous pouvez aussi nous écouter à travers iTunes et Google Play. Et vous pouvez aussi nous écouter sur les radios web, qui est sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.